diplômé de l'école comme méritait le titre prestigieux des héros de l'Union soviétique, de la Fédération de Russie et du travail socialiste. Les musiciens laissent le passage aux troupes mécanisées sur la place Rouge. La musique militaire de la garnison de Moscou est sous la baguette du général Timofey Maïakin. Sur la place Rouge défilent maintenant les pelotons de la colonne mécanisée. Celle-ci prend des matériels historiques et contemporains qui sont en dotation dans l'armée russe. Leur passage est ouvert par le meilleur char de la Grande Guerre patriotique et celui qui a été construit en nombre d'exemplaires, le T-34, qui porte l'étendard en bas de la première arme du char de la guerre. Plus de 35 000 T-34 ont été fabriqués pendant la durée de la guerre. L'équipage est sous les ordres du lieutenant Alexandre Korobyov. La place Rouge accueille une colonne de véhicules blindés multirôles grande capacité TIG-M Spetsnaz et VPK Ural, équipés de protection supplémentaire. Ils sont en dotation à la 16e brigade spéciale de la garde. Le détachement est commandé par le lieutenant Konstantin Mesiasev. Pour la première fois, défile sur la place des exemplaires du véhicule de transport spécial protégé sur la base du terrain Kamaz, destiné au transport de troupes en zone de combat et d'opérations spéciales. La colonne est sous les ordres du commandant Yevgeny Borin. Sur la place Rouge, une batterie de système défensif de précision Iskander M. Brigade de missiles de la garde de l'Université. Les exploits de la brigade ont été récompensés par cette médaille. Les hommes de la brigade, comme leurs anciens compagnons de guerre patriotiques, remplissent avec dignité les ordres qui leur ont été confiés. Ils sont placés sous les ordres du commandant Alexandre Moïse. Voyons ensuite passer une colonne de systèmes de missiles anti-aériens S-400 Triumph du 584e régiment de la garde de défense anti-aérienne de France Aérospatiale de Lyon, sous les ordres du commandant Alexei Ivorotov. Les caractéristiques opérationnelles de ce complexe permettent de mettre en place une défense échelonnée contre les moyens d'attaque aérospatiale d'un ennemi potentiel. militaire célébrant le 78e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale arrive à son terme. Au son du chant de Ladislav, la musique militaire quitte la place rouge. Le défilé de la victoire est terminé. Célébrons le 78e anniversaire de la grande victoire. Hourra! Gloire aux anciens combattants de la Grande Guerre patriotique. Gloire. Bonne fête à tous les citoyens de la Russie. Gloire. Thank you.